moi, je suis amoureux de toi. Fais, on va faire l'affaire. Y a une surprise pour toi. Oh. C'est très bien, messieurs. Ce n'est pas compliqué. Ceci ou c'est là-haut. Oh. C'est très bien, messieurs. Ce n'est pas compliqué. Ceci ou c'est là-haut. Oh. Madame ou maîtresse, c'est ci ou c'est là-haut. Oh maman, si tu m'aimes comme tu l'as dit, nous allons nous marier dans la monogamie. Pour les meilleurs et les pires, pour la fidélité, n'aboy konyo kwa. Pour les meilleurs et les pires, pour la fidélité, faire un bon foyer. Pour les meilleurs et les pires, pour la fidélité, nous serons très heureux. Nous serons très heureux. Oh messieurs, à la maison, tu seras ma maîtresse. Je ne peux pas te marier, je suis amoureux de toi. Fais, on va faire l'affaire. Tu seras ma maîtresse. C'est très bien, messieurs. Ce n'est pas compliqué. C'est ci ou c'est là-haut. C'est très bien, messieurs. Maîtresse, c'est ça la polygamie moderne. Et c'est l'infidélité, je vais te assurer, il me faut une villa, il me faut une voiture, il me faut un travail, rien ne doit me manquer, papa, rien ne doit me manquer, oh messieurs. Fais-moi l'affaire, chérie. Tout ça c'est trop pour moi. Je suis amoureux, Mimi. Fais-moi la chose, chérie. Donne-moi la chose, mamie. C'est très bien, monsieur. Ce n'est pas compliqué. Celle-ci ou c'est là-haut. C'est très bien, monsieur. Ce n'est pas compliqué. Celle-ci. Et tu n'auras pas la chose. Ceci ou c'est là-haut. Oh, ceci ou c'est là-haut. Oh, ceci ou c'est là-haut. Oh yeah. chose chérie. Donne-moi la chose mamie. C'est très bien messieurs, ce n'est pas compliqué. C'est ci ou c'est là. C'est très bien messieurs, ce n'est pas compliqué. C'est ci ou c'est là. C'est madame ou maîtresse. Si tu ne veux pas c'est ci. Si tu ne peux pas c'est là. Oublie-moi messieurs. Et tu n'auras pas la chose. C'est ci ou c'est là. Oh, oh, c'est ci ou c'est là. Oh.